Gérard, tu te le fais? Allez. C'est parti, c'est ton anniversaire. Mais c'est bien, c'est l'anniversaire de Gérard, mais c'est lui qui fait des cadeaux. Ça, c'est beau. Bien joué, Gérard. Sois fort, hein. Allô? Allô, Barclay? Ouais. Ouais, dis-moi, là, j'ai appris là, que tu vendais ta maison à 30 000 francs, là, à 130. Ouais. Bon, donc, moi, je suis preneur, mais à 2 000. 2 000 sur un prêt de 10 ans. À 5,6. Comme celle de Richter. Bon, on peut peut-être faire quelque chose. Ah, on essaye de négocier le prix, alors. Vas-y, y a pas de problème. Bon, dans... On 2 000, fait... tu dis? Hein? 2 000? Ouais, 2 000. Bon, ben... Bah ok. Je suis preneur à 2 000, hein, pas plus, hein. Bon, bah moi c'est 2 000, y a pas de problème. Bon, ok, je t'envoie ça dès demain, alors, hein. Tu les envoies par quoi? Je t'envoie tous les papiers nécessaires qu'il faut pour que tu me signes l'acte de vente et tout, hein. Ouais, pas de problème, mais tu sais, j'habite, c'est pas besoin. Ouais, t'habites à Saint-Tropez toujours. Ouais, Saint-Tropez, voilà, c'est bien ça. Ok. Bah regarde, bah, tu m'appelles et on signe tout ça, et y a pas de problème. Ok, ça roule alors. Ok. Ok, bah je t'envoie les papiers, je te rappelle demain pour te dire quand est-ce que je viens. Ok, pépère, pas de problème. Ok. D'accord. Allez, je te laisse. Ouais, ok. Allez, bonne bourre. Ouais, merci, ça. Ciao. Et voilà, 2000 balles, j'ai conquis. T'as 2000 balles au lieu de 30 000. C'est 30 millions, putain. M'en fous. 2000 balles, ça suffit, c'est bon. Tu crois franchement que Gérard, qui a des baraques à Saint-Trope qui se vendent 130 000 francs, qui vendent 30 000 francs? Eddie Barclay, 30 000 francs, je sais même pas si tu veux louer le salon. À mon avis, les vaisseaux d'Eddie Barclay, avec à louer pour le mois de juillet ou pour une semaine, ça doit coûter déjà 30 ou 40 000 francs la semaine. Ouais, à peu près. Ouais, à mon avis, ça doit être 150 000 francs la location du mois, quoi. Bon, ben voilà, Gérard, donc, lui a fait le vrai boulot pour de vrai. Il a pris ça au sérieux, hein.